avant de t'ouvrir la porte, te laisser partir. Avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire toutes les histoires s'usent, inévitables. Certaines personnes passent, quittent la table, mais nous étions deux âmes jumelles. Nous avons su protéger nos ailes. Au-delà de cette douleur, du vide épais et de la peur, je nous ai vus plus fort, je nous ai vus plus fort qu'un tour par amour. Après ce triste réveil, nos paroles amères, si nous lancions une bouteille au loin à la. Partir avant de fermer mon cœur, j'aimerais te.